cible, je vois flou sur cette route. J'ai eu autant de buts, d'accompagner de lutte. Une pute de chute, de créer des émeutes. Des pensées malsaines qui donnent la vie, des gouttes de sang coulent dans mes yeux. Je coule doucement, pourtant je suis ambitieux. Puis je fais ce que je peux, car je peux pas ce que je veux. On m'en veut d'être fier, comment pas être nerveux. Mes vœux disparaissent dans des nuages de fumée. Demain c'est si loin, cousin, je pourrais crever. Je n'ai plus vraiment la force d'en parler. Mon futur se corse, les déceptions l'ont gravé. La vie, les tunances prises pour le bonheur. On gravit le bitume, entouré du malheur. Et à l'heure que j'écris, je me pose trop de questions. Mais est-ce qu'on est condamné à ces pressions? Sur le droit chemin, alors on parle de nos vies sur ta chemin. On vit au jour le jour, car demain se lance. Carpe diem, on est pas sûr de voir demain. On tente de rester sur le droit chemin, alors on parle de nos vies sur ta chemin. On vit au jour le jour, car demain se lance. Carpe diem, on est pas sûr de voir demain. C'est la merde, c'est carpe diem, on vit au jour le jour. Demande à tout le monde, demain est un autre jour. Demain c'est loin, demain, mon con ne prononce plus. Par peur du lendemain, donc on pilonne puis on pense plus. Pourquoi penser au lendemain alors qu'aujourd'hui j'ai quasiment rien entre les mains? Nos mains nous servent plus que pour de la merde. Certains montent au braco, d'autres se carottent entre frères. Les lendemains sont rudes, cette vie veut nous achever. Difficile de vivre sans esquiver le HIV. Aujourd'hui derrière moi, demain à mon chevet. Ce sont ces pour ceux qui ne savent pas de quoi demain est fait. Cette vie nous ronge, on a bientôt pété les cieux. Elle nous marginalise, y'a plus de mesdames et messieurs. Comme D-Bice, mon faux traverse les cieux. C'est plus des flammes mais des larmes dans mes yeux. On tente de rester sur le droit chemin, alors on parle de nos vies sur ta chemin. On vit au jour le jour, car demain se lance. Carpe diem, on n'est pas sûr de voir demain. On tente de rester sur le droit chemin, alors on parle de nos vies sur ta chemin. On vit au jour le jour, car demain se lance. Carpe diem, on n'est pas sûr de voir demain. Plus je tease, je déteste ce pays, ce peuple me rend triste. Comment faire des plans alors vous faites semblant de nous accepter, mais le rejet est flagrant. Alors que j'y chaque jour sans être curieux de l'avenir. Je n'ai pas voulu croire, mais me l'en fait ressentir. Si je n'ai pas ma place, je ne me vole pas ma face. Je suis ce que je suis, je reste fier de ma race. Yo, demain ça craint, après c'est pire, hier c'était pas mieux. Le destin m'a fait voir le pire depuis que j'ai quitté Bagneux. La vie nous rend hargneux, on se confie plus qu'à Dieu. Demain t'apprends au jour le jour, ton heure n'aura pas lieu. Les gens l'entendent qui se plaignent, tous élevés dans des cages dorées. À les entendre leur jeunesse et la corée. Cette vie nous brise et nous pousse à oublier hier. Et demain nous fait peur, donc forcer on vit. Carpe diem. On tente de rester sur le droit chemin,